Seulement voilà, dans cette fleur, il y a une substance qui, selon les cas, vous rend euphorique ou bien somnolent. Seulement voilà une substance.